Amis des ondes, amis du monde, d'ici, d'ailleurs, d'aujourd'hui, de demain et peut-être même d'hier, c'est Cargo Cult et bienvenue dans cette nouvelle édition. J'avais prévu un indice vraiment pop aujourd'hui, et puis pop dans le bon sens du terme, c'était l'album Kaleidoscope de Siouxsie and the Banshees. J'ai complètement raté le virage et du coup je vous fais un disque qui n'est pas du tout pop aujourd'hui, pas du tout. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne parlera pas de Siouxsie, ça je vous le promets. Mais le disque dont on va parler aujourd'hui, il n'est pas strictement inconnu, mais alors il est très très très loin d'un underground pop comme la diva post-punk précitée. Et puis de fait, nécessite une salutaire réhabilitation quand bien même dans un underground assez pointu. L'album du jour est quand même auréolé des palmes qu'il mérite. Bienvenue au groupe Factrix et leur album Shane Todd. Bon, j'ai répété, hein. Factrix pour leur album Shane Todd. C'est pas que le groupe soit inconnu, mais bon, c'est leur seul album studio. Il y a des lives, il y a des sessions quand même qui transparaissent. Et puis en plus, ce disque manque de bol, il est coincé entre deux époques et il va pas gagner les louanges des uns ni les louanges des autres. Parce que finalement, parler de succès des Banshees au tout début de ce programme, quand bien même on va pas du tout l'entendre dedans, mais dans un prochain, je vous le jure, c'était pas totalement idiot parce que il y a quelque chose de gothique, il y a quelque chose de post-punk, il y a quelque chose de d'indus, bref, il y a quelque chose de tout ce que les musiques noise, proto-noise, expérimental vont exprimer dans les années 80, qu'on trouve dans l'album dont je vais vous parler aujourd'hui. Change Tot, donc cet album de Factrix, un trio originaire de San Francisco, ça se passe en 1981. La carrière du groupe est super courte, mais complètement dense. Elle est à elle seule illustration d'un bouillonnement qui va bien au-delà du groupe seul. Hein. C'est-à-dire, c'est un bouillonnement de la côte ouest qui est quand même globalement assez ignoré, à l'époque comme aujourd'hui, mais de fait, c'est aussi une scène qui s'auto-suffit. Donc elle n'a pas à se la péter un petit peu comme New York, qui va bien sûr rayonner, et puis avec ô combien d'éclat quand même dans ces années-là, et se suffire finalement d'une certaine manière à elle-même. Le groupe qu'on va découvrir aujourd'hui, car peu le connaissent, c'est la réponse assez parfaite et très américaine au rock industriel anglais, à tout ce qui est en train de s'élaborer derrière des gens comme Cabaret Voltaire et plus encore Throbbing Gristle. Il y a un lien d'ailleurs avec le groupe, j'en parlerai plutôt en fin de programme. Mais là où la chose est extraordinaire, c'est qu'il y a aussi un lien avec Jason and Mary Chain qui va venir voir un son post-rock un petit peu nourri d'électronique et de boîte à rythme qui apparaîtra dans les années 90. Donc oui, on peut le dire, un vrai groupe pionnier. Et pour le peu, un vrai groupe oublié, enfin pas même auréolé à ce moment-là. Alors, appelons-nous, on va convenir qu'il s'agit d'un genre industriel. Et puis convenance qui est quand même bien pratique, elle n'est pas seulement anecdotique. Il se trouve que l'album va être signé sur Adolescent Records. Adolescent Records, c'est un label de San Francisco qui est en fait créé par Vicky Vell. Vicky Vell, c'est un personnage très important. C'est lui qui va créer les publications Search and Destroy et publications elles-mêmes qui vont être plus connues encore sous le nom de Research. Et Research va être comme ça des éditions extrêmement en pointe sur toute la culture industrielle, sur toutes les beatniks et post-beatniks. Donc c'est un petit peu la loupe intéressante pour ausculter ce qui se passe dans l'underground américain à ce moment-là, mais aussi faire les liens avec l'Europe, chose dont Vicky Vell se privera absolument pas. Il est notamment l'éditeur du mythique Industrial Culture Handbook, donc le glossaire le plus complet qu'on pouvait imaginer sur la musique industrielle à l'époque. Glossaire, dictionnaire qui fait encore loi aujourd'hui. Le truc est introuvable dans sa version originale ou alors à un prix totalement prohibitif, mais cela dit, il est très facile à trouver en ligne sous format PDF. ne vous gênez pas. Donc Vicky Vell créa ce label, il sera lui-même éphémère d'ailleurs. Et justement, on sortira l'album qui nous intéresse aujourd'hui. Alors voilà quand même un petit peu pour le situer. Et vous allez voir que le groupe dont je parle est vraiment au carrefour de pas mal de choses, de trucs encore peut-être plus underground que eux-mêmes, mais aussi de choses qu'auront peut-être un petit peu plus durablement ensemencé la culture indus et post-indus. Factories, c'est un groupe qui se forme en 1978. C'est un trio, en fait. Alors, dont les trois personnages sont Bond Berglund, Cole Palm et Joseph T. Jacobs. Alors, les deux premiers ont déjà laissé légèrement trace. Bond Berglund et Cole Palmer, ce sont notamment tous les deux illustrés aux côtés du projet Minimal Man. Alors, Minimal Man, c'était un projet emmené par un seul gars, en fait, Patrick Miller. Mais il y avait quand même ces sidemen qui ont été assez importants. Bon, il se trouve que les deux compères se sont exclus du projet Minimal Man assez vite. Et de fait, Patrick Miller en a gardé le lead. Mais ensuite, ils ont pu constituer Factories, qui nous intéresse aujourd'hui. Cole Palm lui-même est issu... Alors, c'est une galaxie à soi tout seul, ce truc-là, mais c'est quand même très, très intéressant pour ausculter l'époque. C'est le fameux LAFM, Los Angeles Free Music Society. LAFMS, Los Angeles Free Music Society. Sgagma est sorti de là, par exemple. Mais il y en a pas mal d'autres. Et le truc s'étend plutôt pas mal sur... déjà dès la première partie des années 70, le Los Angeles Free Music Society doit voir le jour en 1973. Il va courir jusqu'au début des années 80 aussi. Voilà. Alors, je reviens aux deux campers. Palm et Berglund constituent le noyau. Néanmoins, ils vont trouver un excellent bassiste, Joseph T. Jacobs. Alors, lui, il avait œuvré avec Bay of Pigs. Pas le groupe le plus intéressant pour le peu de la Bay Area à cette époque-là. Mais cela dit, c'est quelqu'un qui a un son de basse très, très lourd, qui descend à l'octave, hein, notamment en s'appropriant un octaveur. Ce qui va donner un son assez approprié au groupe, quoi. Et du coup, le résultat, puisque parlons tout de suite de son et de l'instrumentation qu'on va entendre, il est assez étonnant et curieusement bigarré. C'est vraiment, il y a un mélange d'électronique un peu hasardeuse, hein, surtout en 1980, on n'est pas... l'électronique existe déjà, mais elle est strictement expérimentale, finalement. Cette basse de Jacobs que j'évoque est assez lourde, hein, même volontiers drony, quoi. Les guitares sont franchement acérées, ça mord. Et il y a l'utilisation d'une drum machine, qui est vraiment une machine, c'est même pas de la 808, hein. On est dans une Roland CR78. Et il est modifié pour jouer un quart plus court que l'original. Donc les drum machines elles-mêmes sont caverneuses. Le disque est caverneux, oui, mentons pas. Hein, les mélodies sont quand même assez moroses. On est proche du glauque. Les voix sont dans des chuchotements assez réverbérés. Ça confine à quelque chose de gothique et gore à la fois. Mais alors sans excès, et c'est ça qui fait que ce disque est bien aussi. Parce que c'était finalement assez facile de mettre les bouchées doubles, aussi bien dans des concepts visuels, dans des attitudes un peu exagérées. C'était très propre à cette culture de l'époque, finalement. Elle en avait besoin, d'ailleurs, de cette outrance. Mais les choses les plus subtiles, du coup, pouvaient rester étonnamment entre deux eaux. Et c'est peut-être ce dont a souffert Factrix, qui aurait mérité, à mon avis, largement plus de visibilité. Parce que vous allez voir, ici, on est dans de l'expérimentation ambiante, noise, qui finalement va s'émanciper dans le post-punk, mais inventer en même temps les premières lignes du post-rock. Shine Tot, ce disque de 1980, c'est pas seulement un instantané finalement idéal de cette zone, cette grey area, cette zone crépusculaire entre le post-punk à cheval entre les années 70 et 80. Même si ton pile poil là, c'est une passerelle vers l'avant-rock des années 90. On est entre le Velvet Underground et Cabaret Voltaire, mais déjà avec les street dance de Jesus on a Mary Chain ou les lumières minimalistes de Tortoise, quoi. Alors qu'est-ce qu'il en est de cet album studio ? On use beaucoup de techniques de dub, d'overdub, mais alors avec les moyens du bord, hein. Un 4 pistes, mais qui marche et dont on sait se servir. Shine Tot est très sombre, hein, obsessionnel, mais pas du tout linéaire. Dérangeant, ça c'est clair, mais sans justement l'outrance qui pouvait caractériser le rock industriel de ses débuts. Hein. Flaming Whistle, c'est l'exemple assez parfait. Et quant au titre de l'album, bah justement, Shine Tot, c'est un mot allemand, qui définit un état de mort apparente, une forme de coma. Ça se traduirait mot à mot comme une animation suspendue, si vous voulez. Et c'est ce qu'est cet album. Qu'une pochette d'ailleurs illustre assez bien, sans que sa pochette soit belle d'ailleurs. Je trouve qu'elle-même, elle est dans un cliché qui finalement fait peut-être rater sa cible au groupe. Parce qu'il y a des fois, il faut essayer de trouver des excuses ou un manquement de succès ou en tout cas de reconnaissance immédiate d'un disque aussi important que celui-là. Voilà, on a une main squelette en fait, qui est au-dessus d'un drap blanc qui lui-même est au-dessus d'un téton. Voilà, alors tout ça, c'est grisonnant, si vous voulez. Mais voilà, c'est un peu bêtement gothique, quoi. Alors, est-ce que la pochette est ratée pour autant ? Je sais pas, la question n'est pas là, je dirais. Mais ça pourrait expliquer que le truc est un peu coincé. Là où une pochette de Carbalter ou bien de Forming Whistle à l'époque est vachement plus éloquente, quoi. Ainsi d'ailleurs que de choses qui vont se passer sur la côte ouest au même moment. Je citais Minimal Man, je viendrai à d'autres gens aussi qui ont croisé ce chemin-là. C'est notamment le Monte Casana qui va tremper avec Factrix au début de sa carrière. Un grand fan de Factrix, c'est Julian Cope. Julian Cope, outre le musicien de Teardrop Explode qu'on connaît, et puis après Teardrop Explode, ça va être Julian Cope sous son nom, ça va être quand même un biographe extrêmement pointu des musiques underground. Ben, il explique dans les notes des pochettes de la réédition de l'album, parce qu'enfin, il a quand même été réédité en CD beaucoup plus tard, bon, sans connaître une grande diffusion d'ailleurs, mais enfin, au moins, elle existe. Et il dit de l'album que c'est un disque qui mérite d'être vécu plusieurs fois, de préférence dans l'obscurité et dans un état de quasi-épuisement ou sous l'effet de substances psychoactives. Donc voilà, bienvenue dans cette émission, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'ajouterais que, à la simple écoute du disque, vous pourrez vous sentir propulsé par des substances psychoactives. Ça ne nécessite même pas d'accompagnement chimique, si vous voulez, pour vivre quelque chose d'assez fort et quasiment transcendantal. Tant mieux. Justement, Julian Cope, un zélateur absolu du groupe, hein, il parle de ces années-là comme d'un gothedelic K-Hole. Gothedelic, si vous voulez. Donc voilà, c'est le mot valise constitué par goth et funkadelic. Merci Julian Cope de faire ce lien, quoi. Et puisque j'aime beaucoup Julian Cope et qu'il en parle mieux que moi, je vais citer sa meilleure phrase à propos du groupe. Elle est extraite justement de ses notes de pochette. Pour lui, c'est comme une scène de Poltergeist, le film Poltergeist, où la musique de Factrix évoque les sons désordonnés d'une maison hantée où se déroulent des événements perpétuellement bizarres, tandis que des journalistes de télévision, plus ou moins ennuyés, racontent les activités de la veille. Voilà, il faut revoir le film de Poltergeist à cet effet-là qui est assez formidable. Bienvenue dans ce disque, c'est 9 titres, et ils arrivent en étant parfaitement enchaînés, à se distinguer aussi parfaitement. On n'est pas dans un machin linéaire et caverneux, quand bien même on est dans le sombre, voire dans l'obscurité totale, et que les mélodies sous-jacentes à ce qu'on va entendre là sont plus que dans des sous-bassements du perceptible, si vous voulez. Néanmoins, je suis convaincu qu'ici, on tient un firmament d'une espèce de musique pop, anti-pop, et qui, même si elle n'a pas voulu, elle ne sentait pas le coup venir, a finalement inauguré pas mal des directions les plus affichées à venir. Ça fait vraiment de ce disque un truc assez exceptionnel, surtout que c'est le seul album studio du groupe. Donc bienvenue, à la fois dans cette époque et dans cet album unique, Factrix, Shine Tot, 1980, et c'est notre cargo cul de la semaine. Don't try,

convict troll his bloody carcass on the landing one fine morning. Pulled out the voice box, plucked out the seven desperate words. There's a thin, thin line between desperation and the man who wields the meat hook. Seems that I'm the chosen one, I keep bolting for the door. Yeah. Thank you. pretty, tied to your chair, hands at your side, your feet in the air. You're bound for glory on the altar of the damned. You will be remembered as a photo finish. You and your friends, you do the strangest things. Holy rope anointing just one more time. Just black apple in your mouth, Black Friday on your mind. You will be remembered as a photogenic kind. Poser of the simple-minded, workaday unwind. You're the splice of life in the eyes of modern man. You're the splice of life in the eyes of modern man. You will be remembered as the photogenic kind. You will be remembered. The Phantom Pain, la douleur fantôme, c'est le titre donc, de ce dernier morceau qui conclut cet album. Voilà, alors je pense pas qu'il soit strictement pénible et douloureux, j'ai presque envie d'y trouver des lumières de bonheur, voire d'optimisme dans cet album. Je le disais, ce qui se passe sur la côte ouest est globalement ignoré et en même temps pas totalement, c'est-à-dire que la musique industrielle américaine va devoir énormément à ce qui va se passer sur la côte ouest. Énormément. Bon, j'ai cité tout à l'heure Minimal Man, le groupe de Patrick Miller. Bon, on avait aussi très très notoirement Chrome, qui va aussi commencer à s'exprimer dans ces années-là. Il y a des musiciens qui vont être directement impliqués dans l'entourage de Factrix, et qui eux-mêmes vont développer une carrière, finalement, et sur plus de longueur. Alors, je pense notamment à Monte Casana, mais ça peut être aussi le cas de quelqu'un comme Bud Rice, ou encore Zev. Zev aussi, lui, strictement au début. On va s'offrir une sortie finalement avec Monte Casana, parce que pour le peu Factrix, Monte Casana enregistre ensemble. Il y a des 45 tours, il y a de la scène, et du coup, il y a une édition entre guillemets posthume, sous le nom de California Babylon, qui a laissé entendre ses expériences. Et vous allez voir, pour le peu, là, on dégage au centuple, si vous voulez, ce genre d'énergie sur scène, sans chercher la même perfection sonore. Parce que finalement, s'il y avait quelque chose dont j'avais envie de mettre l'accent aujourd'hui, c'était peut-être cette qualité sonore, avec peu de choses qui pouvaient être faites par Factrix. Et même globalement, sur le label hein, qui signait pas mal de ces trucs-là à l'époque. Alors, je reviens justement à Zev, à Monte Casana. C'était le cas aussi de Minimal Man. C'est le label Subterranean Records. Je dirais que c'est presque une autre histoire, ça, et j'aurais plaisir à l'évoquer dans un prochain Cargo Culte. En attendant, évanouis-nous de celui-là, justement, avec Monte Casana et Factrix. Monte Casana, il faut le rappeler d'ailleurs, c'est quelqu'un qui, à lui seul, a été un jalon hyper crucial entre le rock industriel anglais, notamment toute la bande de Throbbing Gristle, Genesis, Pure Ridge en tête, c'était des vrais potes. Et puis cette frange nouvelle venue et fraîchement inspirée par l'Angleterre, justement de la côte ouest américaine, et après le reste des États-Unis. On prête d'ailleurs à Monte Casana l'invention de cette fameuse baseline du label de Throbbing Gristle, Industrial Record. Baseline simple et limpide. Industrial music for industrial people. Eh bien, que cela soit dit, que cela soit su et répété. Évadons-nous donc avec un petit peu de ces industrieux maladies qui nous réjouissent encore aujourd'hui. C'était Cargo Cult, merci de votre écoute. Et peut-être que, promis juré, la semaine prochaine, on sera réellement pop, à force de le dire. Ça va bien finir par arriver, non ? just a reflection of each one of you. And I sit and I look at you from nowhere. Each one of you reflected to me when you are in yourself, but I don't care. My reality is my reality, and I exist within my reality. Yours is yours, and I don't care what it is.